On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec Monsieur Gilles Péloquin. Salut Gilles. Bonjour. Gilles, si on parlait un peu de c'était le congé Pascal, c'était quand même une série très serrée, hein? Oui, c'était très serré, cette série 2-2-3. Et avec blessure au gardien vedette Girard à l'issue du match 2, c'était l'égalité 1-1. Il y en avait un troisième dimanche. Et je pense que la meilleure équipe sur la glace, celle qui avait le plus faim, Danny a gagné. Tedford avec son gardien auxiliaire, Levasseur, face à Rousseau, qui est étincelant, n'eût été de Rousseau. Je pense que le match aurait été hors de portée dès la première période pour Saint-Georges, 53 tirs contre 24. Rousseau a tout fait pour les amener dans la prochaine série, mais je pense l'excellence là des Tremblay, Massenauer et compagnie de cette équipe de Thetford. Je pense aussi l'expérience derrière le banc d'un Bobby Barry versus l'entraîneur de l'autre côté qui était recrue aura fait en toute fin la différence. Et Thetford s'amène maintenant dans cette demi-finale vendredi contre Sorel, alors que Rivière-du-Loup ira du côté de Jonquière. Puis quand on regarde la saison régulière, on s'aperçoit que les quatre premières équipes au classement sont celles qui sont passées pour les demi-finales, alors que les équipes 5, 4 et 6 ont été éliminées, mais la quatrième revient par la bande, si on peut dire, par le repêchage Thetford. OK. Donc, comment tu vois ça, ces demi-finales-là? Moi, comment je vois, je vais d'abord parler de celle qui, tu peux peut-être dire la plus facile, même s'il n'y en a pas de facile, là, mais c'est Jonquière versus Rivière-du-Loup. Moi, je ne vois pas comment Jonquière, champion en titre, saison et série l'an dernier, deuxième au classement cette année, peut ne pas passer en finale pour une autre année avec d'abord son gardien de but, Desjardins, que je pense cette saison a été supérieur à Desselles et également à Lacasse. D'ailleurs, Rivière-du-Loup a eu tout son petit change pour gagner en ces matchs, faut-il le rappeler, en employant ses deux gardiens. Alors que du côté de Jonquière, all the way, on est allé avec un, et le un en question, ben, c'était justement la formation, donc avec Desjardins dans le net. Défensivement, les deux équipes ont de bons éléments, c'est, je pense, partagé. Du côté de l'attaque, à tous les soirs, Jonquière, un gars peut se lever. Un soir, ça peut être Colnig, un autre soir, ça peut être Desmarais, et ainsi de suite, Chaput, puis tu peux m'en nommer 5-6. Du côté de la formation de Rivière-du-Loup, si l'entraîneur Benoît Graton, avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui de vidéos qu'on peut regarder et prendre en note, peut avoir la chance de bien faire surveiller le trio, ils en ont un vrai, un clé, le meilleur de la ligue, Tourigny, Veilleux et Damour, les trois meilleurs marqueurs. Si on peut les empêcher à avoir plus d'un ou deux buts par match, ça s'arrête là parce que la force de frappe est d'autant plus grande du côté de Jonquière lorsqu'on peut arrêter ce trio qui est peut-être la seule bouée d'allumage officielle pour Rivière-du-Loup. Et aussi, si on parle des unités spéciales, je pense qu'au niveau de l'attaque massive, je crois que Jonquière a une meilleure équipe sur la glace et sur papier que Rivière-du-Loup. Donc, je ne vois pas autrement qu'en 6, Jonquière pour passer et aller en finale au début du mois de mai. OK. L'autre série? Ben, Sorel-Thetford, c'est assez énigmatique parce que ça se passe dans les buts encore là. Girard est blessé. Est-ce qu'il revient vendredi? Est-ce qu'on le laisse se reposer? Personne ne parle dans cette ligue, malheureusement. Les blessures, c'est comme avec le Canadien, haut du corps, bas du corps, pantoute. Tu ne le sais jamais. Donc, est-ce que Girard, on le laisse au repos pour les deux premiers matchs? D'autant plus que les deux premiers matchs, coïncidence, vont être à Sorel le week-end qui vient et les deux suivants le week-end prochain à Thetford. Est-ce qu'il revient pour le troisième match devant son public? Est-ce qu'on prend la chance avec Levasseur pour les deux premiers matchs? C'est peut-être ce qui va arriver, comme on l'a fait dans le troisième qui a été bénéfique et on est passé en demi-finale. Côté de Sorel, ça a pris trois gardiens pour sortir Trois-Rivières, équipe de dernière place, en six matchs. Et Cousineau, celui qu'on n'attendait pas, a été le meilleur avec victoire 2 des 4 et également moyenne et aussi efficacité devant les deux qu'on attendait, qui avaient chacun 10 victoires dans l'année pour les éperviers, les avaient mis au premier rang, Corsi et Saint-Laurent. Bien embêté de te répondre aujourd'hui, à quelques jours de la première rencontre au Colisée Cardin vendredi, qui va être dans le filet? Moi, j'opterais pour Corsi. Certains vont dire Saint-Laurent, puis peut-être c'est Cousineau. Je ne sais pas ce qui est dans la tête de l'entraîneur en ce moment, mais ça, c'est un point d'interrogation. Deuxième point, c'est que Thetford est une équipe vieille, vieille jambe, fatiguée, a déjà 10 matchs dans le collimateur en série contre 6 à Sorel. Donc, ça peut avantager Sorel avec le repos et les blessures. Bouvet-Morissette est un point important, a raté les 5 derniers matchs de la série contre Trois-Rivières, blessure au haut du corps. Est-ce qu'il peut revenir? On l'espère. Aurait eu quand même 3 semaines de repos là, dans tout ça. Est-ce que Bordelot, qu'on a acquis en début de saison de Saint-Georges, qui n'a pas joué à cause d'une vilaine blessure à une jambe, est rétabli et peut causer une surprise et être dans les séries? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Et l'autre point, qui est d'autant plus important, c'est que c'est la seule équipe Thetford dans l'année qui a donné beaucoup de fil à retard à Sorel comparé à toutes les autres. Sorel n'a jamais plus que 2 défaites. Contre Jonquière, contre Rivière-du-Loup, contre Trois-Rivières, contre Saint-Georges. Mais 4 en 6 matchs contre Thetford. 3 victoires, 2 défaites en réglementaire et 2 défaites en prolongation à Thetford. Et Sorel, depuis 5 ans, a beaucoup de misère à gagner en saison et en série, Danny, à Thetford. Mais l'avantage de la glace que tu as eu toute l'année, tu as une série de 6 matchs, tu en as 4 potentiels chez toi, c'est peut-être là que ça va jouer. Mais Thetford est allé cette année chercher une des 2 seules défaites de Sorel devant son public en 18 rencontres. Donc, moi, je dis Sorel en 7 à l'arraché. OK. Donc, ça va être très, très serré, là. Ça... Très serré. OK. Absolument. OK. Ben, Gilles, on s'en reparle mardi prochain. Avec plaisir. Bon. Bonne semaine. Bonne semaine. Donc, Gilles Péloquin, Monsieur Ligue Nord-Américaine de